Lene na utibokila e Na bominya mateo Eko minga nandako Nakuta ya se na mawa Ukulila nini yebisanga Jite ilunga Nyonso ezali mikano ya nzambe Toka ngase mitema Tobo ya balobi Mitema likundu balingi Se bapanza bolingo oe Pika misisa Serge Mayimu Salon Abiba chez Jojo Bonga Bakisi et Génie Teki Yaya Balofu Matiti Translouz Bona Nini Saki O Zangi et Kamingambo Mozuna Mobola tous ces endroits l'amour Olingo Eko Tanga Namotema Danilunga Loko la Maya Motonga Imotema Mozoki Naboli Tiki nwani Baye mamingi bolingo maladie du cœur Mais aucun médecin n'a pu trouver le vaccin approprié Kisi a bolingo si a moto aya bolingani Keba na matongi peto ye babati a bolingo si la kate L'amour est à l'iloko la fololo Il faut la rosé Bos na jofi baye bie L'amour est à l'île au cola de la main, il faut voir.